c'est le prédisson. Dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas fondants et même les réticents. Les mecs tu sens la base des mondes. C'est bon, un truc qui fait les foules, ils font le crâne des fonds. C'est le prédisson. Dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas fondants et même les réticents. Les mecs tu sens la base des mondes. Un truc qui fait les foules, ouais. Non mais fiston. Ça le contu, comprends pas tu, dois être peut-être abattu. On veut une femme, une fille et vraiment tout ce qui fuit quand on a de la tue. Avant de se reculer, mais pour ça il faut être encore et fort comme Hercule. La vie est dure de vous faire ce chemin de mauvais, je crois que je suis super du gars. Pourquoi tu mates, il faut juste qu'il y a tolérance mélodie mat. Moi tellement je suis pressé de tout rechanter, même beau je l'ai dit mal. Quoi, c'est pas ma faute, c'est mon nom, c'est Wano. Y'a des méfisto, j'ai fait un feat. Vite fait, en effet. Bah quand tu m'écoutes, moi j'en profite. Et ouais, heureusement, je serai pas dans la chair, la parodie de Jerry Wing. Pour moi, la vie, ça filme d'horreur comme l'exorciste. Le Freddy Krueger, Ring. C'est le crise son, installe-toi tranquille de moi. Et donc, fais un petit son. Tant pis si tu ne piches pas tout dans ta tête, on fait ton bruit, fais une pétition. Moi, je suis totalement le MC qui va te faire rapidifier en son. Avec MC garçon, un petit cigare, sans fait de répétition. Du bédo, des bêtises, sur le tempo, je maîtrise. Mes mots, t'en rends triste, longtemps, tu rides. J'impose, tu comprends une. C'est le crise son, dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas dans les mêmes rites. Les mecs tu sens la base des mondes. C'est bon, un truc qui fait les foules, ils font le crâne des fonds. C'est le prédisson, dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas fondants et même les réticents. Les mecs tu sens la base des mondes. C'est bon, un truc qui fait les foules, ouais. Moi nous mes fistons. On a le flow, il gueule et toi celui du moineau. Si t'entends un fond qui gueule direct, dis lâche le moineau. Non, on n'est pas number one, nous c'est déclassé. Comme un rap concept concert sur beat qui frappe et bien glacé. Queen vibes. On vient placer, si tu bouges la tête, c'est que le son d'ambiance est sec donc. Par conséquent, les cons s'écartent, c'est du son qui claque tes tympans. Mais viens prendre ma tête, on doit apprendre. Si tu pues rap, je te donne du rap, pour pas qu'on te dise que j'ai du rap. Je ne passe pas ton défi, écoute telle beauté des mots, dis-moi si tu capes. A la fin, au début, je débite, en gros, touche des balles. Mais tout dépend de ce que t'entends et du débat. On perd, c'est le fer du pas, c'est le plafond pour pas perdre le flow. Je pousse avec amour, t'as mangé peur de perdre les mots. Tu vois ce que je dis, non, tu dis ce que je vois, des disques, du ventre. Ouais, non, Mifito, marche, je pas, tu dis qu'on dise que du vent. C'est le prédisson, dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas fondants et même les réticents. Les mecs tu sens la base des mondes. C'est bon, un truc qui fait les foules, ils font le crâne des fonds. C'est le prédisson, dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas fondants et même les réticents. Les mecs tu sens la base des mondes. Un truc qui fait les foules, ouais. Nommé Fisto. Et M, si, si, tu, c'est que c'est vers deux, faire des phases aussi sec que ça, cadé et ça dès le début. Si, si, t'es perdu, dis pas que c'est le débit ou le débit. Juste faut que t'ouvres les oreilles, te baisses, sinon faut que tu trouves un peu nos styles débiles. C'est le Quaisison qui déboule, te casse les boules. Nous c'est dédicace, nous bougons avec une tech au mic qui casse les bouches, tu captes pas. Dommage, en qu'est-ce que tu sois apte. C'est Wano, mes pistons et qui est le flow qui passe tout part. Mec, tu parles beaucoup, mais nous on te calcule pas. Qu'est-ce que t'as, des cons ou quoi? Tu ne comprends pas, c'est bête pour toi. Je crois que la sauce prend pas sur les faux. Écoute, c'est l'effet de la fraude. Découper, ça fait fuir les fans. Tu le s'arraches comme des lâches. Pas de flash quand on lâche le Quaisison. C'est le Quaisison, dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas fondants et même les réticents. Les mecs tu sens la base des mondes. Un truc qui fait les foules, ils font le crâne des fonds. C'est le prédisson, dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas fondants et même les réticents. Les mecs qui sont la base des mondes. C'est bon, un truc qui fait les foules, ouais. Nommé Fisto. C'est le prédisson, dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas fondants et même les réticents. Les mecs qui sont la base des mondes. C'est bon, un truc qui fait les foules, ils font le crâne des fonds. C'est le prédisson, dis-nous qui sont les mecs puissants. C'est pour les bougas fondants et même les réticents. Les mecs qui sont la vibe des mondes. C'est bon, un truc qui fait les foules, ouais. Nommé Fisto.